Colgate présente Notre sourire et notre force avec Matt Pepper, expert en optimisme. Trouvez le bon feeling. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de placer le bien-être au cœur de nos vies. La vie est semée d'embûches imprévisibles, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez pour préserver votre bien-être. Ce choix vous appartient. Pensez à trois choses qui vous remontent aussitôt le moral, comme téléphoner à un ami, et faites-les maintenant. Vous pouvez générer votre propre sentiment de bien-être. Colgate, notre sourire et notre force. Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il fut ministre de la Santé en 1988, mais ministre très éphémère, 9 jours. Et puis il fut aussi député européen de 1989 à 1994. Mais ce n'était pas l'homme politique qui était invité en 1978 par Claude Jean-Philippe, non. Léon Schwarzenberg venait de publier l'année précédente « Changer la mort » en collaboration avec Pierre Viançon-Ponté. Et c'était pour parler dans le cinéma des cinéastes, c'était pour parler donc de cinéma, de ses premières émotions de spectateur, et puis des suivantes, bien entendu. Les Lumières de la Ville, Rosemary's Baby, Carole Lombard, Greta Garbo, Clark Gable, Gary Cooper, etc. À une époque, on allait au cinéma pour voir des acteurs. Et pour voir, revoir le même film, vraiment. Et ressentir l'impression étrange que l'histoire, pourtant, était chaque fois différente. Ce qui épatait le plus Léon Schwarzenberg, c'était le compositeur de musique. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût. Aujourd'hui, nous vous invitons, en compagnie du docteur Schwarzenberg, à un voyage au pays de la fiction, mais aussi, selon lui, de la vérité. Ce paysage de fiction, c'est le cinéma des années 30, 40, 50, pour lequel il s'est passionné. Mais avant d'écouter le docteur Schwarzenberg, je tiens à vous annoncer que nous parlerons le 5 novembre, en compagnie de Chantal Akerman, de son film « Les rendez-vous d'Anna », qui sera sorti le 1er novembre. De la même façon, pour notre émission du 12 novembre, nous parlerons, en compagnie de Jean-François Stévenin, de son film « Passe-Montagne », qui sera sorti le 8 novembre. Si je vous annonce ces films, Les Rendez-vous d'Anna, Passe-Montagne, mais aussi Flamme de Adolfo Arrieta, sont pour nous, dans les semaines à venir, les films les plus importants. À l'origine, le cinéma des cinéastes devait s'appeler aussi le cinéma des spectateurs. Enfin, l'émission se serait intitulée cinéma des cinéastes, cinéma des spectateurs, tout bonnement parce que cette émission voulait instaurer une circulation entre ceux qui vivent le cinéma en le pratiquant et ceux qui vivent le cinéma dans une salle de cinéma, mais qu'ils vivent d'une façon suffisamment intense pour que, d'une certaine façon, ils deviennent créateurs à leur tour. C'est-à-dire, je pense à la phrase de Bachelard disant « Après la lecture commence l'œuvre de lecture ». Et il me semble bien, d'ailleurs, que depuis les origines de cette émission, on a tenté de faire cette œuvre de lecture. Alors, j'ai devant moi quelqu'un qui est un spectateur qui n'a jamais pratiqué le cinéma. Docteur Schwarzenberg, vous n'avez jamais pratiqué le cinéma. Enfin, vous n'avez jamais fait de... Autrement qu'assis dans une salle, non. Bien. J'ai aussi à côté de moi quelqu'un qui s'appelle Françoise Dumas, qui travaille à l'Institut National de l'Audiovisuel, et qui est là pour les mêmes raisons que moi, à savoir que nous avons fait connaissance les uns et les autres avec le docteur Schwarzenberg devant un poste de télévision où il est apparu pour parler de son métier, de parler de son livre. Et puis nous nous sommes pris de sympathie et d'admiration pour lui, comme beaucoup de gens. Et puis un jour, quelqu'un qui est une journaliste m'a dit « Mais vous ne savez pas que le docteur Schwarzenberg est passionné de cinéma ?» Alors là, j'ai pris mon téléphone, je vous ai appelé à 7h du matin, puisque c'est à 7h-là qu'il faut vous appeler, et je vous ai demandé de venir me raconter votre histoire avec le cinéma, qui est d'ailleurs, je crois, une histoire d'amour. Enfin, c'est vous-même qui m'en avez... Oui, c'est une histoire d'amour. Alors, depuis le début, alors ça commence où, cette histoire d'amour ? Bien, ça commence très jeune. Je crois que le premier film que j'ai vu, c'était Les Lumières de la Ville. J'étais sorti de là en pleurant. Et puis, il m'arrivait de sécher les cours quand j'étais jeune pour aller au cinéma. Comme dans les 400 coups. Ouais. Et de cette époque date une espèce d'histoire d'amour, comme vous disiez, avec pas mal de personnages que j'ai véritablement aimés, hommes ou femmes. Et il me restait toujours de cette période une sorte d'identification aux personnages de ces films que j'aimais, et qui me fait encore à l'heure actuelle quelquefois critiquer d'une façon peut-être trop subjective certains films. Ainsi, quand il arrive quelque chose d'assez moche à une actrice dans un film, il m'arrive de porter sur le film lui-même un jugement beaucoup plus désobligeant que je ne l'aurais fait si je n'avais pas fait cette identification. Je prends un exemple, le fameux film où Mia Farrow jouait là, le film de Polanski. De Polanski, exactement. Rosemary's Baby, oui. En sortant de là, j'ai détesté ce film. À cause de ce qui lui arrivait à elle. Je trouvais que c'était non seulement sadique, mais que c'était truqué, etc. Et j'ai donc porté sur le film un jugement assez désobligeant. C'est curieux, hein, ça m'est resté depuis longtemps. Mais alors, est-ce qu'on peut essayer de voir comment... Lumière de la Ville, donc première identification à Charlot, alors. Alors, première identification, difficile à dire, là, je peux pas m'identifier, là, c'est... Si, quand même, si, l'histoire merveilleuse de ce bonhomme, là, qui... dont le copain n'est copain avec lui que quand il est ivre, et qui n'est pas reconnu par la petite fleuriste à la fin, seulement au moment où elle lui serre la main, ça, c'était... Je suis allé le revoir deux ou trois fois tout de suite. J'ai eu de la veine de commencer au cinéma en voyant ça. Et puis, alors, par la suite, j'ai été voir d'autres films. Alors, j'avais des préférés, quoi. J'avais John Crawford, que j'aimais beaucoup, Carole Lombard, et puis j'ai découvert un jour Greta Garbo. Alors là, ça a été une passion. J'ai vu tous ses films, je la trouvais toujours merveilleuse, encore maintenant. Quand on m'a appris l'autre jour qu'elle était descendue dans un hôtel à Paris, je me suis demandé si j'allais aller la voir. Et j'aimerais bien, d'ailleurs. Vous parlez des acteurs, enfin vous parlez des actrices d'ailleurs. Il y avait Clark Gable aussi que j'aimais beaucoup, il y avait Gary Cooper, enfin il y a des grands acteurs américains aussi. Bon, alors ça c'est l'époque effectivement où c'est l'époque du début là, oui. On aime des acteurs, enfin. On va au cinéma pour voir, mais ça m'est resté toujours. Je pense toujours qu'un grand film, il y a des films exceptionnels où il n'y a pas d'acteurs, mais dans un film où il y a des grands acteurs, c'est formidable parce que le contact se fait avec eux, à cause, je crois, d'une identification tout de même que les spectateurs se font avec l'acteur en question. En tout cas, c'est bien comme ça que ça procède dans l'enfance, puisqu'il est tout évident, on ne connaît pas le nom des metteurs en scène. On ne connaît pas, non. Après, c'est venu, oui. Après, c'est venu. Ah, mais j'ai vécu à une époque quand même, je ne suis pas tellement vieux, mais j'ai vécu à une époque où on ne disait pas encore un film de un tel, on disait un film avec. C'est après que c'est venu. Ah si, après, quand j'ai eu là, j'allais au cinéma, bon, j'avais 12 ans, mais quand je suis allé au cinéma à 16-17 ans, là, je faisais attention aux metteurs en scène. Mais je ne sais pas, vous savez ça mieux que moi, mais... Les films de, c'est venu beaucoup plus tard, non? C'est pas venu vers 1940, plus que... En tout cas, non. En tout cas, pour ce qui concerne le cinéma américain, qui restait complètement anonyme, sauf aux yeux d'un certain nombre d'historiens, il est évident qu'à ce moment-là, mais même, je veux dire que le cinéma américain n'a été reconnu comme un cinéma d'auteur que dans les années 50. Oui, c'est ça, oui. Donc, auparavant, il était un cinéma de genre et donc un cinéma d'acteur. Oui, c'est ça. Et heureusement, je veux dire, pour les cinéastes américains, puisque pendant très très longtemps, effectivement, ils ont été complètement préservés de tout esprit critique à l'européenne, quoi. C'est-à-dire qu'ils faisaient du cinéma comme M. Jourdain de la prose, c'est-à-dire pour faire des films qui plaisent au public. Oui. Et avec, dans toutes les biographies de cinéastes américains, il y a évidemment, de toute évidence, leur complicité avec certains acteurs. Enfin, Walsh avec Errol Flynn et James Gagney et Bogart débutant, Hawks avec Cooper et Bogart et Lorraine Bacall par la suite. On sent bien que pour eux c'était très important, et finalement pour Apollinaire aussi, c'est ça, vous avez entendu le petit poème d'Apollinaire qui est au début de l'émission, les artistes que sont ceux donc, ce sont les acteurs, les actrices, et c'est d'ailleurs une chose à laquelle on revient. Je trouve très bien que vous soyez d'abord attaché à des visages. Mais ces visages, ils représentaient quoi pour vous ? Ah, ils représentaient des personnes qu'on aurait pu avoir la chance de rencontrer, qui faisaient partie de notre monde, et à qui arrivaient des aventures. Mais alors, justement, la chance de rencontrer, mais est-ce que tout de même, à cette époque-là aussi, Hollywood c'était loin, et les stars c'était loin, et ça paraissait comme complètement mythologique aussi, non ? Ah, c'était à la fois mythologique parce que c'était très loin, mais c'était l'extraordinaire contact dans une salle obscure entre une personne qui était sur l'écran et moi-même. À tel point que, si je reviens un peu sur ce passé, quand j'allais revoir deux ou trois fois le film des actrices dont je vous parlais, à chaque fois j'avais l'impression qu'il se passait la même une histoire, un peu différente de l'histoire précédente, ce qui est complètement dingue, étant donné que c'est toujours la même pellicule qui tournait. Mais j'avais une espèce d'histoire avec le film qui était en train de passer, qui était une histoire au présent, et jamais l'histoire au passé du moment où le film avait été tourné. Dans cette mesure-là, c'était vraiment une histoire d'amour. J'avais rendez-vous avec Greta Gerwig-Teller, ou j'avais rendez-vous avec Clark Gable, etc. Mais est-ce que c'était frustrant en même temps ? Non, pas du tout. Non, parce que je savais en même temps que c'était pas possible. Mais étant donné que pendant l'heure et demie ou les deux heures, on s'était parlé, c'était pas frustrant. C'était un joli rendez-vous, puis je savais qu'il allait s'arrêter de toute façon. Oui, mais alors par ailleurs, comment est-ce que vous viviez votre vie parallèlement ? Est-ce que le cinéma... Non, c'était pas comparable. Je n'étais pas de ceux qui disaient « une telle ressemble à une telle » ou « une telle ». Non, c'était autre chose. C'était très, très intime et en même temps secret. C'était une sorte de jardin secret d'une existence de lycéen. Et parallèlement, vous écoutiez de la musique, vous lisiez beaucoup, vous aviez déjà une vocation Une vocation, non. Là, si vous me lancez sur la vocation, je ne sais pas. Je connais très peu de personnes qui aient la vocation en dehors des génies. Alors si je fais de la médecine, c'est par hasard, mais on ne va pas en parler parce qu'on parle de cinéma aujourd'hui. J'aurais pu faire autre chose. Bon, j'ai déjà dit un jour que ce qui m'épatait le plus, c'était le compositeur de musique, parce que ça, je ne comprends pas. C'est ce qui m'épate le plus. Qu'on arrive à mettre des sons et à entendre dans sa tête des symphonies, qu'on puisse en plus écrire sur le papier, ça m'épate. Donc, c'est pas possible. Alors bon, j'aurais aimé faire d'autres métiers, éventuellement l'architecture, pour que les gens puissent arriver à vivre. Je pense que la façon dont les gens vivent est le plus important. Et j'ai jamais eu envie véritablement de faire du cinéma. Ni d'un côté comme metteur en scène, parce que je m'estimais pas le talent, ni de l'autre côté comme acteur, alors là, encore moins. Mais c'est sûrement un des arts qui me passionne le plus, parce que même un mauvais film, il y a toujours un moment, un plan, même inconsciemment du metteur en scène, où il se passe quelque chose. C'est très rare que je sois sorti du cinéma d'un film, même mauvais, sans avoir eu un bon moment. Alors qu'il y a des pièces de théâtre où il n'y a pas une seconde où vous pouvez vous intéresser, vraiment. Dans cette mesure-là, le cinéma est un art merveilleux. Est-ce que ça ne vient pas du côté documentaire du cinéma ? Est-ce que ça ne vient pas du fait que... Moi, je le vois à travers les films très anciens que je vois, et où effectivement, il y a des moments merveilleux qui échappent au metteur en scène, simplement parce qu'il a filmé une rue de Paris en 1925, formidable. Oui, sûrement. Ah ben ça, c'est la merveille du cinéma. Pour vous, c'est ça ? Ah non, c'est pas ça. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est ce qui fait que quand on va au cinéma, parce que j'étais frappé, moi, ça représente un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure à propos des actrices. Quand j'étais gosse, à la maison ou ailleurs, on disait on va au cinéma. Vous savez, on allait au cinéma le samedi soir. Il y avait le cinéma, c'était à la campagne, il y avait le cinéma de l'endroit où je vivais. Et vous viviez à la campagne ? Non, pendant les vacances. Ouais, pendant les vacances. Les gens allaient au cinéma, puis ils allaient voir le film, qui passait le soir, n'importe lequel. Alors comment c'était, bon. Et puis c'est seulement après qu'on allait voir tel film. Mais au début, très nombreuses étaient les personnes qui disaient on va au cinéma. Et maintenant on dit on va voir tel film. C'est un peu le changement entre le cinéma d'actrice et d'acteur dont vous parlez, le cinéma d'auteur. Maintenant. Oui, c'était le changement. C'est le changement entre le ciné et le cinéma. Enfin, c'est oui, ça. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que vous vous appartenez et d'une certaine façon vous revendiquez la période du ciné. Quoi. Ah oui, j'aime bien le ciné. Oui. Ah oui, j'aimais bien. Ah, il y a des acteurs qui m'avaient frappé, là. Il y a Charles Boyer, tout d'un coup, quand il est mort, je me suis dit, tiens, mais j'avais vu IF1 ne répond plus. C'est un vieux, vieux film. Où il était bien, d'ailleurs. Puis alors, ça a été plaisant, parce qu'il avait une espèce de solitude. Il était plaqué, à la fin. Je me souviens très bien. C'était sur une île déserte. Et il jouait assez bien. Ça me plaisait assez, l'espèce de retenue qu'ils avaient. J'avais retenu, à l'époque, ce qui est fantastique au cinéma, le talent de certains acteurs, dans la retenue des sentiments, dans la pudeur. Qui peut manifester beaucoup plus que dans l'explosion. C'est-à-dire l'opposé même de ce qu'on appelle ce qu'est le théâtre. Pour moi, ce qui est le plus opposé au cinéma, c'est les représentations qu'on voit aujourd'hui des merveilleux Mounet Sully ou Sarah Bernard dans les vieux films. C'est grotesque. Alors qu'il y a une façon de s'exprimer au cinéma, sans doute due d'ailleurs à la qualité merveilleuse de certains metteurs en scène, qui permet de tout manifester avec à peine de gestes. Je me souviens, il y a un film comme ça qui m'avait ébloui, c'était un film de William Wyler qui avait paru après la guerre. Vous savez, il y avait Sinatra qui jouait un rôle d'adjudant. Je me souviens des films, je ne me souviens plus des titres. Tant qu'il y aura des hommes. Oui, tant qu'il y aura des hommes. Bon, c'était un film, ça. Mais il y a un moment où Burt Lancaster, qui joue un lieutenant, assez distant de ses hommes, prend tout d'un coup parti pour le jeune Rital que l'adjudant dégueulasse. Et qui est joué par Montgomery Clift, c'est ça donc. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis tout d'un coup, il y a Sinatra qui est content que son lieutenant soit bien conduit. Alors il va aller le remercier. Alors il va sur la terrasse. Et puis il est prêt à lui dire quelque chose. Et puis il ne sait pas quoi dire. Il sort une cigarette. Il lui dit « Vous avez du feu ?» Alors Lancaster lui allume son cigarette. Il se regarde et c'est tout. Ça, c'est formidable. Tout s'est passé. Et ça, ça ne peut être exprimé qu'au cinéma. Bon, mais attention, là, vous êtes dans un domaine qui est celui du cinéma américain. Ah, pardon. Oui, non, mais attention, je veux dire que c'est quand même précis. Il est évident qu'on ne peut pas dire ça de Gans. C'est merveilleux aussi, oui. Qui, lui, travaille complètement dans l'excès. Ça, Napoléon, ça, je l'aimais bien. Ah oui, j'adorais. Alors. Non, mais ce que vous dites sur la retenue, la pudeur et le... C'est-à-dire que c'est évident que tous les cinéastes américains... et même tous les scénaristes américains sont d'extraordinaires rusés et savent qu'une émotion passe par un détour. C'est-à-dire savent qu'une histoire d'amour ne se raconte pas entre un monsieur et une dame qui se disent « je t'aime ». Qu'au contraire, il vaut mieux instaurer entre eux un climat d'agressivité absolument permanent, de manière à ce qu'ils se disent « je t'aime » par un détour. Mmh. Enfin, le bon exemple, c'est dans « La femme modèle » de Minnelli, où Lorraine Bacall et Gregory Peck se sont saoulés la gueule la veille et où ils se réveillent tous les deux avec une gueule de bois au bord d'une piscine. Lui, les journalistes sportifs, elle est modéliste, elle dessine des robes et donc il n'y a pas grand chance qu'une histoire d'amour naisse entre eux. Elle est très sophistiquée, il est très brut. Et ils prennent leur petit déjeuner au bord d'une piscine. Et elle dit « Oh, moi, de toute façon, moi, je ne mange que quand je suis amoureuse. » Et, la conversation continue. Et arrive le serveur qui prend la commande. Et elle se met à commander pratiquement tout le menu. Et à ce moment-là, elle rougit comme une pivoine. Ouais, parce que c'est en lisant le menu qu'elle a avoué qu'elle était tombée amoureuse de Gregory Peck. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment à la fois le charme, mais ce à quoi vous avez été sensible, je veux dire, comme spectateur, provient de prodigieux métier des scénaristes américains, quand même. Ça vient de là. Oui. Mais en même temps, ce qui s'en dégage est quand même très, très, très net. C'est-à-dire que c'est quand même l'idée... le cinéma américain, c'est quand même un cinéma d'action. C'est un cinéma qui diffuse complètement l'American Way of Life. Est-ce que vous y avez été sensible à ça? Parce que le cinéma américain des années 30 et 40 était pratiquement un cinéma de propagande pour Lincoln et pour l'Amérique. Oui, ça, j'y étais sûrement très sensible. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous a marqué pour la suite de votre vie? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'après, il y a eu l'occupation. Et alors, l'occupation, c'était... Oh, mais ça, sûrement, ça m'a marqué. Je pense par exemple, indiscutablement, historiquement on fera l'histoire du XXe siècle, le XXe siècle, ce qui lui donne sa couleur, qu'on le veuille ou non, ce qui lui donne sa teinte, c'est quand même les États-Unis d'Amérique du Nord. Avec ce qu'ils ont de bien, avec ce qu'ils ont de mal, mais c'est comme ça, on peut rien y faire. À cause de leur puissance économique, sans doute, mais la culture suit la puissance économique et ça colore aussi bien nous. La façon dont nos gosses s'habillent, que ce soit ici, que ce soit en URSS ou ailleurs. Ah, ça devient très très très net, enfin, puisque ah oui, c'est terrible. Enfin, en Hongrie, on voit, enfin, je viens de voir un film hongrois au Festival d'hier où le personnage, enfin, il y a un personnage féminin qui était joué, qui portait une casquette de deux, enfin, et des jeans, enfin, vraiment totalement l'uniforme. Oui. C'est comme ça d'ailleurs qu'effectivement, ils colonisent beaucoup plus sûrement. Ah oui. Mais vous n'avez jamais eu de retrait vis-à-vis de ça? Ah si, bien sûr. Ah si, parce que alors là, ça nous entraînerait un peu loin du cinéma, mais c'est... Oh non, je crois pas. Ce que vous dites sur le cinéma américain, les acteurs américains, la façon dont vous avez été fasciné par, finalement, cette fiction qui nous venait d'Amérique, on est en plein cœur du cinéma, je veux dire. Oui, parce qu'en plus, ce qui est terrible avec eux, ce qui est très gentil quand ils ont raison. Et ce qui est terrible quand ils n'ont pas raison, c'est qu'ils ont de toute façon la certitude d'avoir raison. Et ça, c'est dramatique, alors dans certains cas. Tellement la certitude d'avoir raison que même les détours qu'ils arrivent à faire avec la réalité, je pense par exemple à la défense des droits de l'homme, il arrive que la défense des droits de la personne humaine, j'aime pas dire les droits de l'homme parce que c'est un côté masculin. La défense des droits de la personne humaine, il est sûr que les Américains prennent quelquefois des détours avec elle en se disant « on se retrouvera au prochain tournant, ça fait rien si on prête du fric à ce pays-là, de toute façon on redéfendra les droits de la personne humaine dans 2 mois, mais de toute façon on est sûr d'avoir raison parce que les droits de la personne humaine, ça passe d'abord par la défense des États-Unis d'Amérique ». Eh oui, mais ça vous parlez en fait directement du cinéma américain. En croyant parler d'autre chose, vous parlez directement du cinéma américain, ça j'en suis très, très sûr. Ils pensent vraiment que, de toute façon, s'ils se défendent eux-mêmes, ils sont en même temps les défenseurs du monde et que, par conséquent, c'est bien quand même. On peut même pas dire pour eux la fin justifie les moyens. Les moyens, c'est aussi leur fin, de toute façon, puisque ils représentent l'idéal. Alors ça, sur ce côté-là, c'est pas très bon. Alors bon, sur cette période du ciné, enfin sur votre période, c'est l'enfance et l'adolescence, grosso modo. Oui, alors il y a eu les Marx Brothers, alors là, je me cherchais les cinémas, on allait avec mes frères dans les quartiers de Paris où ça jouait, il y avait une rue Delambre qui était près de Montparnasse, puis il y avait le vieux studio 28 où ils jouaient des films là-bas, à Montmartre. On se prenait ça en métro, on arrivait à l'heure, c'était les séances à 15h, parce qu'il n'y avait pas les permanents toujours dans les cinémas où ça marchait pas bien. Alors là, on était heureux. Et puis j'ai fait la découverte aussi d'autres cinémas quand même. Alors si vous me parlez des grandes des émotions de ma vie, ça a été Ivan le Terrible, sûr. Fantastique, ça c'est Shakespeare, c'est... Alors là, vous l'avez vu probablement en 1945, Ivan le Terrible, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il vit immédiatement après la guerre. Après la guerre. Bah, parlez-en, parce que... Ah, mais Ivan le Terrible, c'est formidable, parce que c'est de penser qu'à ce moment-là, Staline vivait, et en même temps, Eisenstein le représentait sur l'écran, il l'avait représenté, il avait pu le tourner, c'est fantastique, ça. Ça, c'était le génie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes les Ivan le Terrible. C'est merveilleux, en dehors bon, de la plastique, des images merveilleuses, mais la description du personnage d'Ivan le Terrible à un moment avec sa folie était exactement superposable à celle de celui qui gouvernait l'Union soviétique à l'époque, qui était Staline. Et qu'un type comme Eisenstein ait pu à la fois filmer ça, sans aucune compromission, en décrivant à travers l'histoire, le personnage qui gouvernait à l'époque son pays, ça c'était merveilleux. Moyennant quoi, vous avez parfaitement raison, c'est même extraordinaire, et ça, je veux dire, c'est toute la grandeur du cinéma, enfin, que Eisenstein perdu d'abord en plus dans les conditions dans lesquelles il a fait, il a fait ce film, en pleine guerre, dans des studios qui étaient plus du tout ceux de Moscou, très très très très loin, tout le cinéma russe était complètement replié derrière les lignes, donc très très très très très très loin, et effectivement, c'est un portrait de Staline, c'est totalement évident. Mais Staline s'est reconnu, si bien que le film n'a pas été terminé, quand même. Dire qu'il était prévu en 3 parties. Eisenstein n'a pu faire que les 2 premières. Et la deuxième, d'ailleurs, n'a été vue en France que bien plus tard, parce que, vous savez, celle où il y a des séquences en couleur, et où, d'ailleurs, Ivan apparaît dans toute sa cruauté, enfin. Ouais. Et Staline s'est reconnu. Ah, oui. Et les ennuis d'Eisenstein, qui avaient déjà été très grands dans les années 30, on recommençait de plus belle, et Ivan et son dernier film. C'est quand même tout à fait extraordinaire, cette histoire. C'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose entre ces deux et hommes. Alors, oui, puisque vous me parlez du cinéma, là, il est sûr que dans notre vie, il y a des... Le drame de vieillir, le seul véritable drame de vieillir, c'est de perdre des gens qu'on aime bien. C'est pas de vieillir soi-même, ça c'est un autre problème. Et il est sûr que le jour où j'ai appris la mort des Einstein, le monde m'a paru plus seul. Il manquait quelqu'un sur cette terre. Il y a très peu de personnes qu'on ne connaît pas en dehors de ceux qu'on aime. Bon, il y a une dizaine de personnes qu'on aime. Puis il y a ceux qu'on ne connaît pas mais qu'on aime de loin. Et tout d'un coup, leur disparition laisse un vide dont vous savez qu'il ne sera jamais rempli, qu'il ne sera jamais comblé. Ça, Einstein, c'était un cas. Puis il dit, ça y est, on n'aura plus de film de lui. Donc, dans les années 30... En 30-40, je suis 5 à 15 ans. Bon, ça va, 30-40, 5 à 15 ans. Ça. Alors 32, ça doit être les Lumières de la Ville, ça doit être 8 ans. C'est ça, oui. Ouais, et puis, bon, je vais au cinéma, comme je vous l'ai dit, amoureux des acteurs, des actrices, des gens qui jouent. J'avais, bon, les acteurs américains, les acteurs français aussi, j'aimais bien. Là, il y avait, ben, je vous ai dit, il y avait Charles Boyer. Et puis, il y avait les grandes, oui, les grands trucs. J'aimais pas tellement, vous savez, les grandes histoires. Il y avait La Bataille. Je les voyais tous, les films. Je connaissais même les acteurs de second plan. Enfin, ce qu'on appelle de second plan, mais que j'aimais bien. Ça, c'est un des drames du cinéma français. Dans le temps, ils avaient des formidables acteurs à tous les niveaux. Maintenant, c'est moins. Ah non, c'est très important ce que vous dites, parce qu'il n'y aurait pas eu de cinéma français dans les années 30 et 40 s'il n'y avait pas eu Carrette et Mauss. Ah, merveilleux, Carrette, alors oui, Carrette. J'adorais Carrette. Oh. Jules Berry, enfin. Merveilleux, tous ces types-là. Elvire Popesco, André Lefort. André Lefort. Ouais. Oh, quels acteurs il y avait. Oui, mais alors c'est là que brusquement apparaît le rapport entre une société et un cinéma. C'est-à-dire que pendant ces années-là, le cinéma français rend compte de la société française, à travers la fiction de ses c'est acteurs. Vrai, c'est vrai, oui. Bon, alors, l'occupation. Alors l'occupation, ben, vous savez ce que ça a été. L'occupation, ça a été d'abord la zone dite non occupée pendant 3 années. Et dans cette zone non occupée, il y a eu des films américains qui avaient encore le droit de passer, des films français. Et là, il y avait un côté à la fois moins, je dois dire, d'admiration de la vie qui poursuivait aux États-Unis sous le signe de la liberté, parce que quand même à l'époque on était occupé, que ce que le message que pouvaient apporter certains films. En particulier, je me souviens de salles combles dans un film. On projetait La Mousson, c'est un vieux film, parce que je me souviens, il y avait un moment dans La Mousson où les pluies tombaient tellement diluviennes sur les rues de la ville, c'est le drame, que seul émergeait une statue, celle de la reine Victoria, et un... je ne sais plus quel acteur d'ailleurs, qui prenait la reine Victoria, puis qui lui disait « Tiens bon ma vieille ». Alors ce qui me frappait, c'est que la salle applaudissait. Il y avait un truc du cinéma absolument étonnant. Ah oui, mais ça marchait. Et puis alors, si l'horreur de l'occupation, ça a été quand même les actualités, la voix du type, alors ça a été l'horreur. Les salles entières où tout d'un coup, dès qu'il y avait un sifflet, les lumières s'allumaient légèrement, de façon à repérer ceux qui manifestaient pour aller les embarquer. Ça, c'est le cinéma de propagande de l'époque, ça a été dramatique. Ça. Et il y a eu quelques films français formidables à l'époque. Pas tellement La Femme du Puisatier, Pagnol, avec son grand éloge du maréchal Pétain au début, mais il y a eu des films français. Il y a Rému, là. L'Assassin du Père Noël. Là. Mmh. Il y a eu quelques films. Bon, alors... Il y a eu les merdes nazies, là, le juif sus, et... Oh là, l'horreur. Mais alors, la libération, pour vous, c'est déjà le passage aux études La libération, c'est Enfants du Paradis, non, parce que pendant j'étais dans le maquis, bon, on rêvait du cinéma, on se demandait ce qu'il était en train de devenir, et puis on avait quelques disques qui nous avaient été passés par la Suisse, là, on savait que le jazz continuait. Ça, c'était bien. On savait que Duke Ellington, ça continuait. Armstrong aussi, c'était bien. Ah oui, alors justement, vous aimez autant pendant le jazz ah oui, alors pendant l'occupation, oui. Parce qu'en réalité, la sauvegarde pendant l'occupation, ça n'a pas été les films, on n'en avait plus. Ça a été le jazz. Ça, c'était le refuge. Avec ces merveilleux jazz de 35-40 qu'on avait encore pendant 40 à 45, une époque bénie. Ah oui, ça a été merveilleux. Puis on associait ça à la liberté parce que... Surtout par opposition à la... au stéréotype de la musique de l'époque. Pour moi, si vous voulez, l'occupation, c'est peut-être de ce temps-là que je tire, ça va peut-être faire hurler les auditeurs, mais tant pis, que tout ce qui est national est dégueulasse. Il y avait l'orchestre 100% français de Joe Bouillon, il était dégueulasse. Alors que les orchestres américains, n'importe lesquels, étaient bien. Le Café National était dégueulasse. Le souvenir, le Secours National, on bouffait mal. La soupe, tout était dégueulasse. Tout ce qui portait le nom national, avait, par définition, au point de vue esthétique, au point de vue goût, au point de vue odeur, était ignoble. Mais pourtant, vous étiez la résistance. C'est-à-dire que c'est la différence entre la nation et la patrie. Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais c'est parce que c'était le mot national, parce que la nation, j'aime bien. En réalité, ils auraient dû dire d'État. C'était... Mais c'était l'adjectif national. Oui, alors bon, la résistance, les maquis, et puis la libération, la découverte des ciné. Du cinéma qui continuait. Oui, mais alors, et alors, la découverte tout d'un coup stupéfiante que des films pouvaient être faits d'une façon beaucoup plus structurée qu'avant. En particulier, c'est tout de suite après qu'il y a eu La femme au portrait, je crois. Alors quel étonnement devant la maîtrise fantastique de cet art. Et c'est là que vous découvrez le nom des metteurs en scène. Alors là, à ce moment-là, c'est là que je ne vais plus voir un film sans savoir qu'il a fait avant. Alors la liste, c'est... Bon, il y a Lang avec La femme au portrait, il y a... Ah non, la langue, avec... Lang, c'est lui qui avait fait J'ai le droit de vivre. Oui. Ah oui, ça c'est merveilleux. Alors ça, mais je sais plus où on peut les trouver, je sais plus où on... Ça c'est un merveilleux film. Alors ça, je l'avais vu avant la guerre. Lang, Eisenstein. Ah, il y avait Lang, Eisenstein. Après, il y a eu Huston, Hawks. Et puis les Italiens, et puis les Japonais. Alors là, c'est... pour moi maintenant, c'est les Italiens et les Japonais. Fellini, c'est prodigieux et mystérieux, parce que quand j'ai vu 8,5, je suis sorti de là, en me disant, ben voilà, ça y est, c'est fait. C'est que je... Même si le hasard le voulait, je ne ferais plus jamais de cinéma, parce que c'est ce film-là que si par hasard j'avais eu du talent ou du génie, j'aurais aimé faire. Ah, vous y venez, donc il y a une vocation rentrée. Non, mais il y a toujours le rêve de... Oui. C'est pas exactement une vocation rentrée, mais on se dit, c'est ça. Je sais pas si j'en aurais eu l'idée si je l'avais pas vu le film, donc c'est peut-être une fausse vocation, c'est une rétrospective. Mais ce merveilleux film où un type fait un film en pensant que ce film peut aider à changer le monde et puis que finalement il ne le change pas et qu'il l'admet, c'est merveilleux. Oui, mais attention, c'est la désillusion. Ce qui est le... Oui, attention, la désillusion, donc l'illusion. Pour qu'il y ait désillusion, il faut bien qu'il y ait... Bien sûr, il faut qu'il y ait une illusion. Et donc, et une illusion bien précise, puisqu'il s'agit de l'art du spectacle. Oui, oui. Or, il semble bien, enfin, depuis que je parle avec vous, que vous entretenez avec la fiction un rapport intense. Oui, oui. Vous aimez bien la fiction. Oui, j'aime bien la fiction, mais en même temps, je crois qu'il y a des gens qui ont pensé, je crois que Chaplin, à un moment, y a pensé, pas sur la fin de sa vie, mais je crois qu'il y a un moment où Chaplin a pensé, Fellini, il est grand. L'auteur Eisenstein aussi, ont pensé que leur œuvre servirait peut-être à sauver le monde ou à l'améliorer. Je crois qu'ils y pensaient. Ils ne faisaient pas seulement une œuvre d'art. Les grands musiciens aussi, les architectes. Quand ils font quelque chose, ils se disent, bon, mais on fait... Et ça va peut-être modifier un peu la planète. Et leur grande tristesse, c'est que finalement, ça ne sert pas à ça. Quand on sort de La ruée vers l'or ou des films de Chaplin du début, on se dit, il n'a pas fait ça seulement pour décrire l'histoire de ce petit gars et qu'il arrive des malheurs, il a aussi fait ça pour envoyer un message et que ce message soit compris et que l'amour puisse exister dans les lumières de la ville ou bien la connerie de la recherche du fric dans La ruée vers l'or, etc. Et puis le message passe pas. Et ce qu'il y a de fantastique dans 8,5, c'est que Fellini l'écrit, ça. Oui, je voudrais lancer un message, j'ai envie de lancer un message, je voudrais faire quelque chose, et puis de toute façon, ce message ne servira pas. Je crois que c'est ce qu'il y a peut-être de plus triste dans les très très grands, dans ce genre de génie, c'est qu'ils gardent à la fois l'illusion de pouvoir changer, puis qu'ils continuent toujours, et au fond d'eux-mêmes. C'est la merveilleuse phrase de Fitzgerald. Savoir que les choses sont sans recours et être décidé à les changer. Mais ça, alors là, je vois là comment vous traduisez les films dans votre langage personnel et à travers votre sensibilité personnelle, quand même. Hein, c'est... Ah non, mais je parle de certains films, là, mais pas tous, parce qu'il y a quand même il y a aussi le film merveilleusement. Il y a le film d'illusion, il y a le... Auquel vous êtes sensible aussi. Ah oui, très, très. Non, mais là, je vous parle des films qui m'ont. Je parlais de 8,5, bon, parce que. Ah oui, pareil, d'autres. Carole Sandrel, qui m'a parlé de votre passion pour le cinéma, avait dit que dans les portraits qu'on faisait de vous à la télévision, vous auriez aimé qu'on mette des extraits de films. Alors, quels extraits de films? Ah ouais, ça c'est vrai, j'aurais bien aimé, mais ils n'ont pas voulu, parce que bon... Mais, non, mais lesquels parce que... Ah, il faudrait... Oui, je l'avais dit, j'aurais bien aimé qu'on mette certains extraits de films. Mais oui, mais ça c'était... Non, mais il faut bien dire aussi les choses, c'était que c'était pour illustrer ce que je disais de la médecine. Par exemple, en ce qui concerne le cancer, il est sûr que le début du film Vivre de Kurosawa est absolument fantastique. Il y a tout. ce japonais qui arrive dans un institut japonais, porteur de son cancer de l'estomac, qui s'assoit où il n'y a presque rien de se dit, c'est le malade du monde entier. C'est pas au Japon que ça se passe, c'est en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique. Et ça, ça aurait beaucoup plus expliqué que tout ce qu'on peut dire. Tout y est. Depuis l'arrivée accablée du type auquel on ne donne pas son diagnostic, l'appel à la cantonade de son nom, au milieu des autres gens qui attendent, le malade à côté de lui un peu salaud qui sait ce qu'il a et qui veut avertir le copain. Parce que les gens, c'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils deviennent, ils arrêtent d'être vaches. Tout y est, ça c'était formidable. Et vous aviez d'autres idées? Non, j'y pensais seulement par rapport à là. Si on me demandait quelles sont les meilleures séquences de vos films, les meilleures séquences, ça se réfléchirait, je sais pas. Il y a sûrement celui-là, Sylvia Sidney et Henri Fonda dans J'ai le droit de vivre, là. Ah, mais ça assure, là. Il y a le moment où Paul Muniz barre dans Je suis un évadé à la fin. Ça, c'est merveilleux. Il y a dans La règle du jeu le formidable moment où Carrette fait la leçon à Dalio en lui expliquant. Il faut les faire. Merveilleux. Ah oui, c'est ça, c'est le moment où il lui explique que moi, monsieur le marquis, les femmes, je les fais rigoler. Il invite le marquis à en faire de même. Ah, oui. Mais non, mais là, la façon dont ce type la joue, ça c'est merveilleux, ça c'est des. Ah oui, mais attention, là, il y a Renoir derrière quand même. Je dis, c'est Renoir, bien sûr. Lequel Renoir aussi, dans la règle du jeu, il n'est pas mauvais quand il est là. Est-ce que la fiction aide à vivre? Est-ce que le cinéma aide à vivre? Ah oui, parce que c'est pas tout à fait la fiction non plus. C'est arrivé vraiment, je crois. C'est ça le miracle du cinéma. Parce que cette histoire qu'on vous raconte, elle est arrivée. Zabriskie Point de Antonioni, quand elle fait tout brûler, la fille, il y a sûrement un endroit où un jour une fille fera tout brûler, toute cette merde, vous savez. Oui, bien sûr. Je crois que ça arrive. Et les histoires d'amour du cinéma, elles arrivent aussi. Les grands bouquins et les grandes œuvres de fiction sont des œuvres qui sont aussi réelles que la réalité, je crois. De la même manière que la musique, sûrement. Et ça qui est merveilleux, c'est qu'il crée de la réalité. Parce que les gens sont pas, comme on dit bêtement, en chair et en os, que l'histoire n'arrive pas. Ils arrivent quand même. Alors le problème, c'est, évidemment, je comprends très bien le metteur en scène qui se dit, mais pour qu'on y croie à mon histoire, il faut que je prenne des acteurs qu'on n'ait jamais vus, parce qu'autrement, on les reconnaîtra, etc. Je crois que c'est faux. Quand il y a un grand metteur en scène, son acteur, il a eu beau jouer dans d'autres films avant, ce qui lui arrive là est tout à fait spécifique et c'est différent de ce qui est arrivé. Dans Providence, de René, les acteurs qui jouent tous admirablement, on pourra les revoir ailleurs, ça sera d'autres personnages, ça sera pas les mêmes. C'est quand il n'y a pas de grand metteur en scène qu'on raconte que c'est toujours le même acteur qui joue. Ce qui était un peu le cas du cinéma d'avant-guerre où Jouvet faisait toujours son même numéro. Mais maintenant, les grands acteurs, enfin les acteurs bien dirigés et bien mis en scène, ils sont tellement bien conçus qu'on peut les réutiliser. C'est pour ça que je ne suis pas tellement sûr que les acteurs amateurs, ça soit meilleur, sous prétexte qu'on ne les a jamais vus avant. D'ailleurs, tout peut arriver, c'est pour ça que les véritables créateurs, ils le savent que tout peut arriver. Ils l'écrivent ou ils le tournent. Mais est-ce que vous vous sentez, justement, dans la mesure où vous dites ça d'eux sans en être, sans en faire partie, vous vous sentez parmi eux, enfin, c'est d'une certaine façon. Ah non, parce que je ne peux pas créer de la fiction, moi j'ai un métier où malheureusement je vois la Non, mais là, vous en arrivez à la même conclusion, ce tout peut arriver, qui est quand même très. Ah oui, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai, par exemple, c'est pas bête ce qu'il dit. Supposez qu'il y a un malade qui vient avec un cancer inguérissable, ou jusqu'ici inguérissable. Il y a toujours au fond de nous une espèce de petite case où on se dit, bon, c'est vrai qu'aucun n'a guéri jusqu'ici, mais il y en a d'autres qui ont guéri avant d'autres cancers, pourquoi pas celui-là? Donc tout peut arriver, même pour ce malade-là, pour cet individu-là. Ce qui est quelquefois dingue, parce que, bon, il ne faut pas les détailler, mais il y a des cancers tellement difficiles que c'est dingue. Mais vous pouvez tout de même vous dire tout peut arriver. Alors ça, c'est effectivement l'exercice de la liberté. Mais je ne suis pas un créateur du tout, comme eux. Enfin, votre livre s'intitule « Changer la mort », c'est clair. Et je sens bien en vous quelque chose de double, qui est à la fois une et même d'extrême dans les deux sens, et qui correspond très très bien d'ailleurs à ce que vous appelez les créateurs, et moi je pense aux créateurs de cinéma puisque ce sont les seuls que je connais vraiment. Et il me semble que vous circulez entre un espoir extrême et presque démesuré et la conscience d'une désillusion presque fatale, et que tout se situe entre ces deux pôles. J'utilisais le terme désillusion par opposition à l'optimisme ou au pessimisme. Quoi. Je crois que c'est deux attitudes fausses. Le pessimiste, il dit que tout va mal et que tout va aller encore plus mal. Bon, il fait rien pour changer. Il s'arrête, un peu lâche. Et l'optimiste, lui, dit que tout va bien de façon à ne pas avoir rien à changer. Il se cache toutes les misères du monde. Alors je crois que l'attitude, effectivement, c'est celle d'être désillusionné, de savoir que... Mais je crois pas que la désillusion soit forcément sans force. Et ça, je crois que c'est lié essentiellement aux individus. Alors là, je crois pas qu'il y ait d'organisation, quelle qu'elle soit, parti politique, État, qui puisse arriver à rendre compte des progrès, enfin, qui puisse arriver à rendre compte, il y a que les individus. Et toutes les œuvres d'art ont été le fait d'individus, jamais de... ou d'individus, de groupes, d'équipes, mais enfin des équipes qui sont, d'individus qui se sont choisis les uns avec les autres. Oui, mais alors justement, je vous vois me dire que je c'est pas du tout pour arbitrairement que je refais le lien avec le cinéma là, c'est-à-dire que je crois que le cinéma est un moyen d'expression qui par définition ne peut être ni optimiste ni pessimiste, puisque par définition, dès que... Alors c'est ce que la grande trouvaille à jamais de Jean Cocteau, qui dit « je filme un visage, donc je le filme vivant », ô combien, mais en même temps, je surprends sur lui la mort au travail. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que le temps se déroule de ma prise de vue, c'est donc ce fragment de temps est un fragment de la durée de notre vie. Vous êtes sensible à cette réflexion? Ah oui, très. Oui, c'est très beau. Et que donc le cinéma, par définition, ne peut pas effectivement être pessimiste ou optimiste. C'est une attention. C'est une force d'attention à autrui, forcément. Alors, on ne se filme jamais soi-même, c'est-à-dire contrairement à l'écrivain qui se retourne. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes tellement attiré par le cinéma. C'est-à-dire que là, on sort de l'abstraction. Il y a autre chose aussi, regardez, il y a autre chose quand même. Dans la vie contemporaine, aujourd'hui, quand on voit les étudiants, les jeunes, le seul moment de véritable liberté qu'ils ont dans cette existence, qui est quand même, qu'on a assez décrite, métro, boulot, dodo, etc., c'est quand ils vont au cinéma. Quand vous voyez, c'est formidable même. Moi, par exemple, quand on me dit qu'est-ce qui est le plus triste, je dis que j'ai plus le temps d'aller au cinéma. Et quand les gens vont bien, ils me disent ce soir, on va aller voir tel film. C'est le moment de libération. Parce que les concerts, c'est bien, mais enfin, on peut avoir les disques chez soi. Le théâtre, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une bonne pièce. C'est, bon. C'est bien le théâtre, je veux pas attaquer le théâtre. Mais le cinéma, c'est vraiment... Ils vont pendant 2 heures au cinéma. Moi, je vois ma gosse qui a 14 ans. Elle a son cinéma, c'est 2 films par semaine. Alors elle en connaît un morceau, elle, du cinéma. Puis le contemporain, elle aime bien, elle juge bien. Mais c'est formidable pour elle. Si elle a son après-midi de congé sans être allée au cinéma parce qu'elle a une compo, c'est une semaine foutue. Quitte à y aller seule. Ça, on dira jamais assez à quel point cet art est un art auquel il faut préserver la liberté d'expression, parce que c'est l'art qui permet aux gens de retrouver leur liberté. En vivant peut-être l'existence des autres, en le critiquant, peu importe, mais... Non, mais de moins en moins, c'est-à-dire que le processus d'identification que vous décrivez au début, il est pratiquement mort dans tout le jeune cinéma, puisque au contraire, je veux dire que les jeunes cinéastes, depuis Godard, enfin, se sont terriblement méfiés de cette espèce de façon qu'on avait d'emporter les personnages avec soi chez soi, c'est-à-dire combien de fois on s'est surpris soi-même. Oui, c'est vrai, soi-même. Il n'en reste pas moins que le Casanova de Fellini, où c'est génial, c'est que, bon d'accord, on s'identifie pas à lui, mais on a tous été plus ou moins une partie de Casanova, et que là, c'est quel personnage prodigieux. C'est incroyable, il y a un moment où il y a des types, là, je sais pas, on est à Venise, et on a l'impression que c'est une toile, que c'est même pas Venise, mais ça fait rien, on marche quand même. Ah non, ça devient encore plus formidable. Parce que c'est pas une identification totale, mais c'est une identification d'une certaine partie de soi. Alors ça, c'est vraiment génie quand même. Même dans Godard, il y a ça aussi. Il y a une partie de nous qui... Ah oui. Mais c'est-à-dire qu'on peut dire maintenant que... on a tous suivi cet itinéraire, pour peu qu'on appartienne à cette génération-là, à savoir le moment où on sortait des Enfants du Paradis, par exemple, avec tellement dans la tête le personnage auquel on s'était identifié, soit Brasseur, soit Marcel Herrand, et avec l'envie presque de continuer à les jouer dans la vie, enfin. Et puis, le moment qui définit un peu le cinéma moderne, où on ne s'identifie plus à l'acteur, mais au metteur en scène, c'est-à-dire on s'identifie au regard. C'est vrai, oui. C'est très net chez vous, puisque vous passez de John Crawford à Eisenstein. Oui, c'est vrai. Je grossis beaucoup. On s'identifie au regard, oui. Et Blow Up, par exemple, aussi. Là. Mais vous y allez combien de temps? Très peu. Heureusement, c'est ma fille qui les va. Elle me dit, ce soir, celui-là, t'as pas le droit de pas aller le voir. Bien, Berthe, si veut. 14 ans, mais, mais ça, c'est des aveines. Mais... Alors, je voudrais y aller souvent. Alors, je suis très, très bon public, on me dit, parce que... Ça, aussi, ça, il faut se méfier. Pour ça, ce que j'aime bien avec lui, quand il parle des films, c'est qu'il est resté enthousiaste, même s'il en a vu des centaines. Avec vous. Il y a des gens qui vont tellement souvent au cinéma qu'ils deviennent très, très, très difficiles, comme on dit. Alors ça, j'aime pas. C'est ce que vous dites. Non, mais ce que vous dites est très important, parce que... Non, non, c'est pas en ce qui me concerne, moi, mais en ce que... moi, je pense à Mizoguchi, là, oui. Qui disait qu'il fallait aimer superlativement les choses supérieures. Est-ce que vous croyez pas, quand même, qu'il y a quelque chose de fondamental, et c'est là que je vous rejoins, quand vous parlez de l'individualisme et de l'individu, c'est que, quand même, le degré d'enthousiasme définit la grandeur de quelqu'un, enfin... Bien sûr. C'est pour ça que, quand j'ai envie d'entendre parler de quelque chose, je ne demande toujours qu'à quelqu'un qui a aimé. C'est ça, voilà. Ouais. Jamais aux critiques, parce que ça, je m'en fous. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand vous voulez avoir un avis sur quelque chose, il faut prendre l'avis de celui qui aime là, quelque chose. Parce que c'est plus plein que l'avis de celui qui est passé à côté et qui déteste. Par exemple, quand j'ai vu, bon, j'aimais pas tellement Orange Mécanique, alors que c'est un chef-d'œuvre génial. Puis après, j'ai vu Les Sentiers de la Gloire que j'avais pas vu. Ben, quand on a fait un film comme Les Sentiers de la Gloire, on peut tout faire, après on comprend la désillusion. Ben, quand on a fait un film comme Les Sentiers de la Gloire, on peut tout faire, après on comprend la désillusion que peut avoir avec Kubrick. Alors lui, pour moi, c'est l'exemple même. François, est-ce que tu as des questions à poser? Non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette fascination du cinéma, dans l'enfance, comme porte dérobée. Vraiment, on va au cinéma comme on prend une porte dérobée, et puis on rentre dans une fiction, on part pour ailleurs, et puis peu à peu, comment ça évolue vers autre chose. Enfin, je trouve ça vraiment C'était le reste, très, très la porte dérobée, le cinéma, c'était le monde, oui. Et puis, comment ça évolue par la suite. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la façon dont vous définissez, ne définissez pas la fiction et la réalité. Vous recherchez finalement dans chacun des films la réalité, alors que, en fait, est-ce que c'est bien la réalité qu'il faut rechercher, ou est-ce que ce n'est pas plutôt la fiction qui a dans chacune des vies, puisque c'est finalement ça qui vous intéresse? C'est la même chose, il n'y a pas de différence entre la fiction et la réalité. Quelquefois, il m'arrive de... Parce que j'ai connu quand même pas mal, malheureusement, de personnes malades qui sont morts et que j'aimais. Il y a des moments où je me demande si c'est vrai qu'ils sont morts. Il ne faut pas pousser trop loin non plus cette espèce de réalisme de la fiction. Mais rien n'empêche que telle personne représentée ait vraiment existé ou pas. Si on me demande par exemple, pour parler des Sentiers de la Gloire tout à l'heure, si on me demande par exemple ce qui se passe entre des hommes et une femme, la dernière image sublime, l'image les plus pathétiques du cinéma, quand ils amènent la petite Allemande devant tous ces soldats français et alliés, à peine habillé, à peine vêtu, et puis qu'on lui dit de chanter, on voit les regards lubriques des types, on se demande ce qui va lui arriver, elle commence à chanter, mal d'abord, un peu faux, puis un peu mieux par la suite, et tout d'un coup le regard des hommes et leur attitude bascule, ils chantent avec elle, et ils sont passés de l'état de lubricité, de viol presque, à l'état de compréhension et d'échange. C'est une des images les plus pathétiques de tout le cinéma. Je suis sûr que c'est une histoire vraie, ça. Qui est arrivé à quelqu'un que je connais? Alors là, vous vous dites, bon, il fallait un type pour faire ça. Parce que l'expression à ce point de qualité ne peut venir que d'un homme, presque que d'un homme seul. Il n'y a jamais eu d'équipe de philosophes, d'équipe de musiciens, c'est pas vrai. La création, c'est toujours une œuvre unique. Encore que ça passe par... Ah, que ça passe, oui, il y a tout le système commercial, industriel, ça, je sais pas. Oui, non, mais c'est ça le mystère, c'est-à-dire que c'est une création d'autant plus singulière, enfin d'autant plus à la première personne, qu'elle est apparemment très collective, puisqu'il y a un scénariste, il y a un chef opérateur, il y a un monteur, il y a un musicien. Ah oui, mais il y a l'équipe, quand même, on a l'impression que... Oui, et bien comment ça se fait, alors? Ah, ça, c'est le grand mystère, moi je ne saurais pas vous répondre. Je sais, enfin sur des cas très précis, comment Renoir, par exemple, avec ses comédiens, leur donne l'impression de faire le film même, et même d'une certaine manière d'inventer leur personnage, et d'une certaine façon d'inventer leur réplique, au point même que certaines personnes m'ont dit de très bonne foi que Renoir n'avait fait aucun de ses films, puisque sur son plateau il se comporte de telle sorte qu'il dit oui à tout le monde, il applaudit, il pleure, il embrasse tout le monde, etc., etc. Et puis, à l'arrivée, je crois que c'est absolument impossible de ne pas le reconnaître, mais de ne pas reconnaître presque son souffle. son regard de tendresse, d'admiration, de colère, d'ironie, de cruauté vis-à-vis de ce qu'il filme. C'est très étrange. Et pourtant, alors lui, dans le bain des années 30, il disparaissait sous les copains, les plaisanteries intimes, la très grande désinvolture, et puis voilà. Et puis à l'arrivée, on a un film de Renoir. Mais ça, c'est un extraordinaire exemple de ruse. Dans les bas-fonds, quand il y a la fameuse scène entre Jouvet et Gabin, on s'affreure pas assez souvent, là. Quand le gamin va voler Jouvet. Mmh. Oh, quelle merveille de jeu d'acteur. Quelle merveille. Finalement, votre vie, enfin, puisque il faut en parler, votre vie, on vous appelle à 7h du matin, donc c'est que vous êtes déjà levé depuis 6h. Non, c'est pour être sûr, non, c'était pas pour vous embêter, parce que si vous essayez d'appeler à l'hôpital, il y a tellement de téléphones que vous perdez une heure. Non, enfin, quand même. Et vous vous couchez à quelle heure? Ça dépend des soirs. Bon, en général, minuit, c'est le minimum, quand même. Bon, alors, et vous consacrez à votre activité professionnelle combien de temps? Ah ben voilà, c'est ça la difficulté, c'est que l'activité professionnelle prend beaucoup de temps, d'une part parce qu'elle est malade, et puis d'autre part parce qu'il faut rester au courant. Et là, ça cavale à toute allure, les nouvelles médicales et les nouvelles scientifiques. Et si vous laissez passer vraiment 8 ou 15 jours, vous pouvez être en retard pour soigner quelqu'un. Alors là, c'est un des problèmes les plus importants, de la même manière que le metteur en scène doit disposer des meilleures possibilités techniques, et de meilleurs éclairages et de meilleurs sons pour faire jouer ses acteurs qui mettent en scène son film. De la même manière, vous n'avez pas le droit de soigner votre malade sans le faire bénéficier des dernières possibilités. Et si malheureusement vous ne les utilisez pas ou si vous êtes passé à côté, ça me paraît grave. Alors ça, c'est un état de malaise. Et effectivement, je ne suis pas heureux. Un jour, on m'avait posé la question et j'avais répondu « Le bonheur, je ne connais pas ». Mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Le cinéma des cinéastes, le 29 octobre 1978, Claude Jean-Philippe recevait sur France Culture le professeur Léon Schwarzenberg. To war.